trouvé ça. C'était compliqué, hein, c'était difficile, hein. On aurait pu faire avec ça déjà. Mais je vais essayer de chercher. Attends, j'essaye de trouver un truc dans ce style là. Ouais, c'est une mitraillette là. Moi j'aime pas bien en fait quand les mecs ils sont trop avec le double pédale. Bon, je vais essayer, attends. Ah, déjà on est en 110, hein, d'accord. Attends. Ok, je cherche. Attends. Je vais me muter, je vais chercher. Je vais me caler sur.